Chapitre 4e. Miss Stella Starling occupait un appartement à l'hôtel Columbia, rue des Pyramides. C'est là qu'après avoir entendu le pic, le malheureux Harry a couru. La chanteuse avait amené avec elle sa gouvernante, qu'elle appelait affectueusement Mme Dottie, qui est le diminutif de Maman Dorothy. Cette Mme Dottie avait connu Stella enfant, s'était attachée à elle et lui servait de mère. Elle avait suivi avec joie la marche ascendante de sa carrière. Elle connaissait toute la vie de son enfant adoptive, de sa pupille, savait tout de son roman d'amour avec Harry. Elle reportait également sur ce dernier, dont elle fut la nourrice, une grande part de son affection maternelle. Quand Harry arriva, elle le fit entrer dans le petit salon et lui dit que Miss Stella était partie répéter, mais qu'elle n'était pas revenue depuis à l'hôtel. Alors Harry, sachant que Stella n'était pas à sa répétition et qu'elle était partie avec ce mystérieux officier américain, pensa qu'il serait inutile de courir après elle dans tout Paris. Il se tint donc dans le petit salon où Mme Dottie vint lui tenir compagnie, le rassurer, le consoler, l'encourager, et il passa de longues heures à téléphoner à la salle Gavel sans obtenir la réponse qui lui fait tant plaisir. Il se désespérait, ne sachant vraiment maintenant où demander des nouvelles, ou non seulement courir, mais téléphoner. À présent que l'heure du retour de la répétition était passée, tout autant que Harry, la bonne Mme Dottie ne comprenait rien à l'absence de Stella. D'un autre côté, connaissant l'amour de Stella pour Harry, elle ne pouvait croire à une fugue. Il fallait admettre un rapt, un enlèvement. En dernier recours, Harry téléphona à l'hôpital américain à Neuilly, pensant qu'on était venu chercher l'artiste pour un concert improvisé donné aux malades. Là encore, Harry ne put avoir de nouvelles de l'absente. Plus l'heure avançait, plus Mme Dottie en arrivait à redouter un crime. Harry finissait par partager son opinion. Elle avait conservé bon espoir jusqu'à l'heure du dîner, puis encore un peu plus tard. Stella, dans les camps, dans les hôpitaux où elle donnait des concerts, avait fait la connaissance de beaucoup d'officiers américains qui tous connaissaient le secret de son cœur. Il était admissible que l'un d'eux, un ami, un camarade artiste devenu officier pendant la guerre, et puis décider Stella à accepter une invitation. Mais Stella, se doutant qu'on serait inquiet, aurait tout de même téléphoné. Maintenant, sans nouvelles de Stella, vers 11h, Harry, affolé, partit à sa recherche dans tous les restaurants où il pensait qu'un galant officier pouvait offrir à dîner à une femme comme Stella. Il se pouvait en effet que Stella ait chargé quelqu'un de téléphoner et que la commission eût été mal remplie. Stella, tranquille de son côté, ne pouvait se douter de l'inquiétude qui régnait chez elle. Harry pensa la trouver avec quelqu'un de connaissance, se rassurer lui-même et immédiatement envoyer prévenir Mme Dottie. Mais il ne la trouva nulle part, dans aucun restaurant de luxe, dans aucun cabaret joyeux où elle pouvait avoir été entraînée. Alors il revint à l'hôtel, s'imaginant qu'à cette heure, pendant qu'il la cherchait ailleurs, elle avait bien pu revenir. Mais ne la voyant pas encore à l'hôtel Columbia, il se remit en course plus affolé que jamais. Paulin Broquet m'avait téléphoné de venir fumer un cigare avec lui dans la soirée. Je m'étais rendu à son appel. En entrant dans le grand bureau, j'aperçus quelques numéros jaunis, fanés, défraîchis de la Gazette des Tribunaux. « Oui, me dit-il, surprenant mon regard, c'est pour ma collection. Je les ai cherchés tout hier. J'ai eu assez de mal à les trouver. Ils datent de 35 ans. 35 ans, m'écriai-je. Je regardais Paulin Broquet avec anxiété, espérant une explication. Je me rappelais en effet que le fragment du journal américain, ramassé par lui dans le bureau de David Bridgeport, datait aussi de 35 ans. Mais Paulin Broquet ne me donna pas d'autre explication. D'ailleurs, Raymond entra à peu près à ce moment, et je n'eus qu'à faire comme Paulin Broquet à écouter le récit du détective que nous venons de lire. Raymond acheva son rapport en disant « Bref, je n'ai pas suivi tout le temps le jeune Harry qui court partout dans Paris après la délicieuse Stella envolée, comme un malheureux chien qui a perdu son maître. »« Tu as bien fait, » dit Paulin Broquet. « Ils se retrouveront bien quand le moment sera venu. » »« C'est ce que j'ai pensé. Et je suis monté, chef, vous faire mon rapport. » En conclusion, Stella n'est pas rentrée à son hôtel, l'officier américain n'est pas rentré avec Stella, et Harry court après Stella. Voilà où nous en sommes. Paulin Broquet suivit le rapport de Raymond avec la plus grande attention. Il était plongé dans un grand fauteuil Louis XIII, les bras posés sur les accoudoirs, les jambes allongées sur le tapis, la tête appuyée au dossier, regardant en l'air une rosace au plafond. Il était immobile comme une statue. Seul, de temps en temps, son bras gauche remuait sans que le reste du corps bougeât, pour porter à sa bouche le cigare dont il tirait quelques bouffées. Quand Raymond eut fini son récit, Paulin Broquet se leva, d'un coup quitta son fauteuil et déposa le bout de cigare dans un cendrier. Il prit, dans un pot de grès, une pincée de tabac, une feuille de papier, et à son habitude, il tourna une cigarette, puis il l'alluma et se mit à marcher de long en long tout en fumant dans le studio. Raymond et moi, nous le regardions sans dire un mot. Nous savions qu'il ne fallait pas interrompre la pensée de Paulin Broquet, ni lui parler quand il ne disait rien. Nous attendions tout simplement. Au bout d'un moment, il demanda à Raymond. « Dis-moi, mon garçon, tu as vu cet officier américain qui s'est présenté chez Hughes J. Brewster ?»« Oui, chef. » »« Est-ce que c'est le même que celui qui est venu prendre Miss Stella à la salle Gavel ?»« Malheureusement, chef, je n'ai pas pu voir celui de la salle Gavel. » « Fâcheux, fâcheux, » dit Paulin Broquet, et il reprit sa promenade. Maintenant, il était plus de minuit. Tout était calme dans la maison. Nous suivions encore silencieusement des yeux, Raymond et moi, la marche de Paulin Broquet de long en long dans son studio. On entendait seulement le tic-tac régulier monotone de la grosse pendule à balancier de cuivre dans le studio et le craquement du plancher sous les pas du détective. Plusieurs fois, Paulin Broquet regarda le grand cadran de l'horloge. Puis il reprenait sa marche, faisait claquer ses doigts dans un geste d'impatience que tout le monde connaît. Et le silence de la nuit revenait, coupé par ses pas qui semblaient accompagner le tic-tac de l'horloge. Tout à coup, dans ce profond silence, un violent coup de sonnette retentit qui nous fit tressauter Raymond et moi. Très calme, Paulin Broquet dit simplement « Enfin, le voilà !» Il y avait toujours chez Paulin Broquet un homme de garde. C'était un ancien agent, Firmin, qui, dans la journée, aidait la gouvernante et la nuit veillait sur l'appartement du chef. Il courut ouvrir à qui sonnait si violemment par ailleurs. Paulin Broquet, en même temps, ouvrit la porte du studio qui donnait sur le couloir d'entrée. « Oui, oui, » cria-t-il, « je sais. Entrez, monsieur Harry, je vous attendais. »« Comment savez-vous que je devais venir ?» Paulin Broquet tendit la main à Harry J. Brewster et le fit entrer dans le studio. Il nous présenta rapidement. « Vous connaissez mes amis ? Ils vous connaissent. Vous pouvez parler librement. » Harry demanda encore. « Comment saviez-vous que je devais venir ?»« C'est très simple. Vous m'avez vu dans la journée. Je suis le seul détective que vous connaissiez à Paris. On vous a dit qui j'étais, et dans ce cas désespéré pour vous, il était tout naturel que vous ayez recours à moi. » « Oui, c'est cela. » Et d'une voix vibrante, Harry J. Brewster ajouta « C'est mon bonheur, c'est ma vie que je mets entre vos mains. » Ce grand et beau garçon, cet athlète que nous avions quitté quelques heures auparavant dans son appartement de millionnaire, souriant à la vie, confiant dans son bonheur, maintenant accablé par le coup du sort le plus inattendu pour lui, pleurait comme un enfant. Paulin Broquet le fit asseoir dans un fauteuil. Avec compassion, ému vraiment par cette grande douleur, il lui parla doucement, lui donnant amicalement, paternellement, de petites tapes sur l'épaule. « Stella a disparu, » répétait Harry entre ses sanglots. « Enlevée, morte peut-être. Quel malheur !»« Du courage, » dit Paulin Broquet. « Il ne faut jamais pleurer avant d'être certain du malheur. Et quand le malheur est arrivé, il faut le regarder en face et se montrer homme. » « Mais il n'est pas question de malheur ici. » « Ou aussi, » répliqua Harry, « Stella est partie, je ne la reverrai plus. Je crois au contraire que vous la reverrez bientôt. Oh, le ciel vous entende. Si vous me la rendez, je vous donne la moitié de ma fortune. » « Ce serait beaucoup trop, » dit Paulin Broquet en souriant. « Il ne s'agit pas de cela. Voyons, vous avez couru dans tout Paris, vous êtes fatigué, énervé, vous n'avez pas mangé, il faut prendre quelque chose. Je n'ai pas faim, j'ai le cœur trop serré. » Paulin Broquet insista et finit par faire absorber à l'infortuné Harry quelques biscuits et deux doigts de vin de Bordeaux. Pendant que, tout en pleurant, Harry prenait cette légère collation, Paulin Broquet, très calme, lui dit « Maintenant, examinons l'affaire. Je sais tout ce qui s'est passé. la rencontre de l'office américain devant la salle Gabel, le départ en auto, l'achat de fleurs, place Saint-Augustin. Tout cela, jusqu'à présent, c'est trop naturel. Vous croyez ? J'en suis persuadé. La joie de Miss Stella, en revoyant l'office américain, son empressement à partir en voiture avec lui, le fait qu'elle ait accepté ses fleurs, nous dit que de ce côté, il n'y a rien à craindre pour Miss Stella. Comment cela ? En effet, pour que Miss Stella, qui est une femme prudente et réservée, ait bien voulu suivre en voiture cet officier américain, il faut qu'elle soit tout à fait sûre de lui. Elle a pu être abusée. Non, pas Miss Stella. Cet officier est certainement un ami, un camarade, un admirateur. Cependant, connaissant le profond et sincère amour de Miss Stella pour vous, j'affirme que ce n'est ni un amoureux, ni un séducteur. Aucun danger encore sur ce point. Mais un accident a pu se produire. Ne parlons pas d'accident. Il n'y en a pas. L'hôtel Columbia, dans ce cas, aurait déjà été prévenu. Les communications en France sont si peu rapides. Écartons encore ce point. Il n'y a pas d'accident. Mais pensons à ceci. Miss Stella, sachant combien vous seriez inquiet de son absence, vous a certainement envoyé un message, vous faisant savoir avec qui elle était, où elle se trouvait, et peut-être même vous priant de venir la rejoindre. J'ai pensé à cela aussi. Mais rien n'est venu, ni pneu, ni coup de téléphone, rien. À Paris, vous le savez, vous, Américains, du moins, on vous l'a dit, les pneus n'arrivent que le lendemain et le téléphone n'est jamais libre. Alors, comment pouvais-je être prévenu ? Miss Stella, en tant qu'Américaine, n'ignorait pas cela. Alors, pour être vraiment sûre de vous avertir, de vous voir venir, elle a dû certainement expédier un messager et charger quelqu'un, enfin, en dehors de l'administration des PTT, de venir vous trouver, et je pense que ce quelqu'un, ayant trop consciencieusement remplacé à la fois pneu et téléphone, n'est pas arrivé du tout. Voilà la probabilité. Ou bien, pour vous remettre à vous-même le message, il court après vous dans tout Paris, comme vous avez vous-même fait pour retrouver Miss Stella. De sorte que pendant que vous vous morfondiez en courant après Miss Stella, Miss Stella, de son côté, se désespère de ne pas vous voir paraître là où elle vous attend. Oui, oui, c'est une probabilité. Mais regardez quelle heure il est. Voyant que je n'arrivais pas, Stella devrait être rentrée à l'hôtel depuis longtemps. Non, supposez qu'elle soit allée au théâtre, au cinéma, dans une audition de musique quelconque. Elle sortirait seulement maintenant du spectacle et n'aurait pas encore pu rentrer chez elle. C'est vrai, c'est vrai, s'écria Harry. Supposez encore qu'après le spectacle, Miss Stella soit allée souper en compagnie de cet officier, dans un joyeux cabaret quelconque, selon la règle de tout bon Américain, et qu'elle vous attende. Vous avez raison, je n'y ai pas pensé, et j'ai perdu la tête. Mais c'est cela, c'est cela. Vous avez fait tous les cabarets où une jeune Américaine convenable pouvait se montrer, mais vous les avez visités avant l'heure où elle pouvait s'y trouver raisonnablement. Vous avez donc fait des courses inutiles. Vous avez tout à fait raison, mon cher Paulin Broquet, tout à fait raison. Et moi, j'étais un fou, j'ai couru dans le vide. Paulin Broquet ajouta, « Il y a encore une chose à laquelle vous n'avez pas pensé et qu'il est bon de signaler ici. Vous, grand amoureux qui offrez souvent des fleurs à la merveilleuse artiste qu'est Miss Stella, vous savez que logiquement on donne en fait de fleurs soit une gerbe, soit une corbeille, mais enfin un bouquet raisonnable et qu'une seule personne peut porter à la main. En effet. » Sauf ce qui vous est arrivé, à vous bien souvent, de garnir entièrement la loge de l'artiste, vous ne faites pas une telle consommation de fleurs. Or ici, cet officier américain a dévalisé entièrement la boutique du fleuriste. Il paraît qu'il y avait les fleurs les plus belles, les plus rares, toutes les fleurs du magasin, non seulement dans l'intérieur de la voiture, dans les bras, sur les genoux, aux pieds de Miss Stella, tout autour de l'étoile, et que le devant de l'auto, à côté du chauffeur, en était également encombré. Ce n'est pas, comme je vous le disais, une façon ordinaire d'offrir une gerbe à une étoile appréciée, à une jeune femme aimée, quoique donnée par un Américain qui voit tout en grand, en magnifique, en beau, en extraordinaire, en immense. C'est un bouquet qui me semble en proportion d'une maison à 36 étages. C'est anormal, vous disais-je, dans Paris. Il y a une raison que nous ne comprenons pas. C'est vrai, dit Harry. Oui, c'est beaucoup de fleurs. Et dans quel but ? Puisque Miss Stella n'est pas rentrée chez elle, qu'elle n'a pas déposé ses fleurs à l'hôtel. Je ne peux croire que c'est pour se promener dans une auto fleurie. C'est bon pour un jour de bataille de fleurs, mais ce n'était pas le cas. Vous avez raison, je ne comprends pas. Paulin Broquet sourit et dit, moi non plus. Cependant, bien que dans les classiques, que fort heureusement on ne connaît pas en Amérique, on dise « que de fleurs qu'elle chasse », ou bien encore ceci qui se dit en latin « il y a un serpent sous les fleurs ». Je crois sincèrement, et je vous prie, mon cher ami, de partager ma croyance absolue, c'est que pour Miss Stella, il n'y aura jamais trop de fleurs, et que sous les fleurs offertes, si aimablement par ce charmant officier américain, il ne peut se cacher aucun serpent dangereux. Et Paul Limbroquet conclut « Rassurez-vous, il n'y a que les fleurs de l'amitié autour de Stella, en toute sécurité, bien portante, heureuse, et ne pensant qu'à revoir son cher Harry. » « Vous avez raison, » dit Harry. « Oui, vous avez raison. » Et il tendit cordialement, en souriant maintenant, les mains à Paul Limbroquet. Puis il s'écria joyeusement, plein de confiance, « Nous devons nous assurer de l'exactitude heureuse de ce que vous venez de me dire. On va faire la grosse voix en parlant à Miss Stella. Nous allons la gronder fortement pour l'inquiétude qu'elle vient de nous causer. Ce sera très amusant. » Il prit le téléphone qui se trouvait sur le bureau de Paul Limbroquet et demanda à l'hôtel Columbia. Je compris un jeu rapide de sa physionomie que ce geste ne plaisait pas à Paul Limbroquet, mais il ne pouvait empêcher Harry de téléphoner. Toutefois, comme l'appareil avait deux récepteurs, il en prit un et écouta. « Allô, l'hôtel Columbia ?» demanda Harry. « Oui, c'est moi, Harry J. Brewster. Est-ce que Miss Stella est rentrée ?» De l'hôtel, on répondit. « Oui, monsieur, Miss Stella est rentrée. » Harry poussa un cri de joie et, regardant Paul Limbroquet, qui écoutait en face de lui, se tournant vers nous, il s'écria. « Ah, elle est rentrée. Mes chers amis, elle est rentrée. » Et il demanda au téléphone. « Avec des fleurs, beaucoup de fleurs. » On lui répondit, « Non, monsieur, Miss Stella n'avait pas de fleurs avec elle. »« Pas même un bouquet dans les mains ?»« Non, monsieur, pas même un bouquet dans les mains. » »« Nous n'avons pas remarqué que Miss Stella portait des fleurs en d'aucune façon. » Harry J. Brewster se tourna vers Paul Limbroquet, l'interrogeant du regard. Paul Limbroquet fumait sa cigarette tranquillement et répondit, « Les fleurs sont probablement restées dans la voiture. Miss Stella n'allait pas porter cette moisson charmante et elle devait la garder dans son auto. » pour continuer sa promenade avec son galant cavalier. C'est une façon originale, c'est un cadre absolument digne de la délicieuse beauté de Miss Stella. Cependant, je ne vois pas autre chose. Miss Stella est peut-être simplement venue dire un mot, rassurer l'hôtel, et elle a reparti avec ses fleurs. Vous avez raison, vous avez toujours raison. Puis il dit dans le téléphone, « Voulez-vous prier Miss Stella de se mettre en communication avec moi ?» De l'hôtel, on répondit, « Impossible, monsieur. »« Pourquoi ? C'est moi. Puisque vous dites que Miss Stella est rentrée, elle doit être chez elle. Avertissez-la. »« Miss Stella est rentrée, en effet, » répondit-on de l'hôtel, « mais elle a pris ses bagages. »« Ses bagages ? » s'écria Harry étonné. « Oui, monsieur, elle a pris ses bagages. Elle a quitté l'hôtel et elle est partie pour une destination inconnue. » Harry poussa un cri, lâcha le téléphone, tournoya sur lui-même et il tomba sans connaissance sur le tapis. Le jeune et vaillant athlète, capable d'encaisser en riant les swings du plus redoutable boxeur du monde, n'avait pu supporter ce choc au cœur. Après cette lueur de joie, cet effondrement de toutes ses espérances l'avait abattu. « Bon, » dit Paul Limbroquet, très calme, « j'aime mieux ça. » Nous relevâmes Harry et l'étendîmes sur le grand sofa qui servait de lit de repos dans un des angles de la pièce. « Raymond, » dit Paul Limbroquet, vivement, « tu vas rester ici de garde, et avec Firmin, « vous donnerez vos soins à Harry. » Et Paul Limbroquet ajouta, d'une voix précise et ferme, « Sous aucun prétexte, vous entendez, ne le laissez partir d'ici avant mon retour. Au besoin, passez-lui les menottes, ficelez-le, qu'il ne sorte pas de cette chambre, qu'il ne téléphone pas, qu'il ne bouge pas, et autant que possible, qu'il ne casse pas le matériel ici. Vous avez compris, attachez-le fort, laissez-le crier, gardez-le, empêchez-le de faire une folie. » « Entendu, chef, compris. » Je vous garantis qu'avec nous, il ne bougera pas. Ne vous occupez pas de ce qui pourra arriver de ses menaces, même s'il vous promet de vous canarder avec son revolver, de vous mettre en morceaux avec ses poings. Gardez-le. J'ai compris, chef. Vos ordres seront parfaitement exécutés, et quand vous reviendrez, soyez certain que vous retrouverez ici Harry, même si nous avons dû le ficeler comme un saucisson. Ça va, je m'en rapporte à vous. Paul Limbroquet, en riant, m'entraîna rapidement. Dans l'escalier, il me dit « Je crois que mes gaillards vont avoir un peu de mal avec cet enragé. Mais ils sont de taille à le maintenir, et nous devons le retrouver comme j'ai dit qu'on me le garde. » À son auto qui attendait devant la porte, il donna l'adresse de l'hôtel Columbia. Il me poussa dans le fond, grimpa à côté de moi, ferma brusquement la porte, roula et alluma une cigarette, puis il me demanda brusquement « Vous avez tout vu, vous avez tout entendu, vous savez tout. Dites-moi, mon cher ami, quelle est votre opinion sur tout cela ?» Je répondis « Je me considère un peu, depuis que je travaille avec vous, comme l'élève de Paulin Broquet. Grâce aux leçons que j'ai reçues à votre école, j'ai pu faire des interviews, des enquêtes qui ont causé quelques étonnements parmi mes lecteurs. Je me rappelle. Cette affaire nouvelle se présente de la façon la plus curieuse, la plus inattendue, et je crois qu'ayant débuté par une cabriole, elle doit se continuer par un saut périlleux, pour se terminer par ce que nous appelons en gymnastique, en acrobatie, un soleil autour de la barre fixe. Vous avez raison, c'est un peu mon avis, mais dites-moi quelle est la barre fixe à votre sens autour de laquelle nous allons faire le soleil. Cette barre fixe doit être, à mon avis, si je peux ainsi dire, tout simplement le grand amour, cet amour ferme et inébranlable, raide et solide, comme précisément une barre fixe, l'amour de Harry et de Stella. Ce n'est pas mal pensé. Continuez. Étant votre élève, j'ai fait, après la connaissance des événements que vous avez relevés avec une admirable précision, la déduction que ces faits nous disent par leur concordance que celui qui est venu chercher les journaux, celui qui est entré chez ce brave David Bridgeport, celui qui a fait le scandale de Hughes J. Brewster et celui qui a enlevé Miss Stella est le seul et même individu. Vous croyez cela, vous ? Je le suppose, tout au moins, car je retrouve cet officier dans deux scènes qui se suivent de très près. Mais rien ne vous dit, et David Bridgeport n'a pu le préciser, rien ne nous prouve que celui qui est venu l'assaillir dans son bureau soit un officier américain. Bridgeport n'en parle pas. C'est exact. Il n'a pas précisé que ce fût un officier américain. Mais il n'a pas dit non plus que ce n'était pas un officier américain. Paulin Broquet jeta en l'air une bouffée de fumée en riant et il me dit « Mon cher, vous avez des subtilités admirables. Admettons pour le moment que ce soit un officier, que ce soit le même individu que nous avons retrouvé dans les diverses scènes. Dans quel but agirait-il ? » Je répondis « À mon avis, cet homme poursuit un seul but, qui est la vengeance. »« La vengeance ?» s'écria Paulin Broquet. « Croyez-vous ? Pour moi, je ne vois pas autre chose. Et c'est pour se venger qu'il entoure Miss Stella de fleurs. » La question était assez embarrassante. Paulin Broquet me regardait du coin de l'œil, avec sur les lèvres un sourire narquois. J'étais, malgré moi, un peu froissé de voir que Paulin Broquet, en somme, se moquait de moi. Cependant, j'étais persuadé de me trouver sur une des bonnes voies. Je répondis « On peut entourer de fleurs une femme, même l'enlever dans une voiture fleurie comme celle-là et causer. Et causer cependant une peine énorme à quelqu'un, se venger en causant cette peine malgré les fleurs. » Paulin Broquet secoua la tête. Il me donna un coup de sa royale main sur les genoux et me dit en riant « Quel détective à la manque vous faites ?»« Pourquoi ?» lui demandai-je vivement. « Vous ne voyez donc pas, mon cher ami, que si cet officier, en admettant que ce fût l'officier, enlève Miss Stella, mais il fait justement ce qui doit causer le plus grand plaisir à Hughes J. Brewster, puisqu'il arrache d'elle à son fils Harry, ce que le père veut absolument obtenir. » Je dus reconnaître que Paulin Broquet avait raison. « C'est juste, lui dis-je. Alors, mon cher ami, je ne veux pas me faire plus fort que mon maître, ni me montrer plus adroit que Paulin Broquet. Et il me faut reconnaître que ce ne doit pas être cela. Mon feu d'artifice est mouillé, mon soleil est raté, et ma barre fixe dégringole. C'est un désastre absolument. Ce n'est pas cela. Je me suis trompé. » Paulin Broquet garda le silence pendant quelques instants. Il roula une nouvelle cigarette, l'alluma, puis il me dit « Non, mon cher ami, ce n'est pas cela, et cependant ce n'est pas autre chose. Je ne comprends pas. Vous comprendrez un peu plus tard. Bien. J'attends que vous me donniez les explications. Pour le moment, pour vous faire plaisir, admettons que ce soit cela, ce que vous venez de dire. Quelle concordance voyez-vous dans la visite de l'officier américain chez Hughes J. Brewster, l'enlèvement de Miss Stella Starring et l'attentat contre David Bridgeport? Comment voyez-vous ces trois événements importants liés ensemble? Quel rapport trouvez-vous entre eux? En vérité, en apparence, réflexion faite, ils n'ont aucun rapport entre eux. Cependant, mon cher, j'insiste, c'est la même affaire. Je comprends encore moins. » Paulin Broquet ajouta en riant « Oui, mon cher, c'est la même affaire, malgré l'avis de cet excellent monsieur Barentin. » Et dès ce moment, Paulin Broquet garda absolument le silence. nous arrivâmes à l'hôtel Columbia. Prestement, Paulin Broquet sauta sur le trottoir et je le suivis. Nous entrâmes dans l'hôtel. Le veilleur, qui, comme tout bon veilleur, dormait sur un lit de camp dans un coin du bureau, dut se lever à notre appel. Bien que ce fût son métier, il le fit, non sans grogner un peu contre les voyageurs qui rentrent à n'importe quelle heure de la nuit. Ce n'est pas lui que Paulin voulait entretenir. Il lui demanda, après s'être fait connaître, « Quelle est la femme de chambre qui est de garde ce soir ?»« C'est Amélie, » répondit le veilleur. « Bien. Et quelle est la femme de chambre qui s'occupait de l'appartement de Mr. Staring ?»« C'est précisément cette même Amélie. »« C'est ce qui s'appelle de la chance, » me dit Paulin Broquet. Il ajouta, « Il nous faut voir si cette chance nous sera profitable en quoi que ce soit. » Il demanda à interroger. Amélie ne tarda pas à paraître. Amélie, tout en bâillant quelque peu, lui fit un récit suffisamment détaillé et très clair de la scène du départ de Miss Stella de l'hôtel. Pendant l'après-midi, M. Harry se tint avec Mme Doty dans l'appartement. Il était inquiet, nerveux, se promenait à grands pas dans le salon, comme j'ai pu m'en rendre compte quand j'apportais le thé à Mme Doty. Puis il est parti précipitamment de l'hôtel. Sur le trottoir, il a allé un taxi, il lui donnait une adresse que le chasseur, devant la porte, n'a pu entendre. « Jusqu'à présent, dit Paulin Broquet, c'est très clair et très net. Que savez-vous encore ?»« Je sais que plusieurs fois, M. Harry est revenu à l'hôtel, qu'il a grimpé chez Mme Doty, et qu'il est descendu, comme toujours, précipitamment, il a sauté dans un taxi et s'est rendu nous ne savons où. »« C'est encore très clair. Que savez-vous de plus ?» Mme Doty, dans la soirée, se montra très inquiète. « Je suis venu lui demander si elle voulait dîner. » Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas faim, qu'elle attendait Miss Stella et qu'elle ne finirait qu'avec l'artiste ou qu'elle ne dînerait pas. Bien, ensuite j'ai vu que Mme Doty avait pleuré, car ses yeux étaient rouges, et j'ai vu sur un coin de table un mouchoir qui me parut trempé de larmes. Très bien, continuez. Un peu plus tard, dans la soirée, par téléphone, on demanda à l'hôtel si M. Harry se trouvait ici. Précisément, M. Harry était revenu, après une nouvelle course dans Paris, à la recherche de Miss Stella. Il venait à son habitude de dégringoler comme un fou les escaliers de l'hôtel, et je l'avais entendu dire à Mme Doty en la quittant « Je n'arrive à rien. Je cours inutilement dans tout Paris. Je n'ai plus qu'un espoir, c'est de m'adresser à Paulin Broquet. » Bien, ensuite, il n'y avait pas 10 minutes que M. Harry venait de quitter l'hôtel, que Miss Stella y faisait son apparition. C'est un chassé-croisé assez malheureux. Après, à notre grande surprise, elle était accompagnée d'un officier américain. Elle entra vivement dans son appartement en disant sur la porte « Mme Doty, c'est moi ». La bonne dame accourut à la voix de la jeune artiste. « Enfin, dit-elle, vous voilà, j'étais morte d'inquiétude ». Puis, en apercevant l'officier américain, elle poussa un cri, ouvrit ses bras. L'officier s'y précipita, puis enleva la bonne dame de terre et l'embrassa affectueusement. « Mme Doty, disait-il, Mme Doty. » Et ces derniers répondaient « Mon enfant, mon cher enfant. » Je les ai vus tous trois se regarder et pleurer. Ensuite, c'est alors que Miss Stella m'appela dans l'appartement et me demanda de l'aider à faire ses malles. Ensuite, oh, les paquets furent vite faits, au hasard, comme à coups de poing. Nous entassions les effets, les robes dans les valises, dans les malles, et ces valises étaient plus ou moins serrées. Il passait même des bouts de linge entre les courroies. Oui, c'était un paquetage vraiment mal fait. Mais, dans cette précipitation, il ne pouvait en être autrement. Puis Miss Stella me demanda la note que je lui montais quelques instants après et qu'elle régla très largement, me laissant un pourboire royal. Très bien, parfait. Ensuite, vous n'avez rien remarqué de plus? Vous n'avez rien d'autre à me dire? Non, monsieur. Sauf cependant ceci, c'est que pendant Miss Stella, Mme Doty et moi, nous entassions les effets dans la valise, nous serrions les courroies, l'officier américain semblait très fatigué, très ému, et même malade. Alors, comme je comprends l'anglais, j'ai entendu Miss Stella demander à l'officier s'il se ressentait beaucoup de la blessure qu'il avait reçue à la guerre et qui le faisait toujours souffrir. Bien, ensuite, alors, au moment de partir, l'officier américain, qui était dans un fauteuil, en voulant se lever, eut comme un éblouissement, une faiblesse. Après, il retomba dans son fauteuil et j'ai vu, pendant que je faisais descendre les balises par le garçon de l'hôtel, j'ai vu Miss Stella qui le soignait très affectueusement. Elle a ouvert son veston et, comme si elle était prévenue de cela, elle a pris dans la poche du veston un flacon plat qui devait contenir sans doute un remède. « Oui, » dit Paulin Broquet, « le flacon plat est d'un grand usage en Amérique. Continuez. » Vivement, Miss Stella s'efforça de faire prendre de son contenu à l'officier malade. Mais comme elle n'avait pas de cuillère, qu'elle ne me donna pas le temps d'aller en chercher une, elle voulut faire avaler au malade le remède à même la bouteille. Et le malade put le prendre. Ce n'était pas très commode, et Miss Stella, nerveuse, dont la main tremblait, tout en voulant faire boire l'officier, elle versa la moitié du flacon à côté de sa bouche, si bien qu'elle répandit du remède sur le coussin du fauteuil où l'officier était tombé. Heureusement que ce coussin portait une housse qui le protégeait. Paulin Broquet demanda vivement, « Où sont cette housse et ce coussin ?» La femme de chambre répondit, « Ils sont encore là-haut, dans l'appartement de Miss Stella, qu'on ne fera que demain matin. »« Menez-moi à cet appartement, » dit Paulin Broquet. Nous suivîmes la femme de chambre Amélie, et peu après, nous pénétrions dans cet appartement qui ressemblait à tous les appartements d'hôtel. Mais dans celui-ci avait rayonné le charme et la grâce de l'adorable artiste. Dans cet appartement banal avait fleuri l'amour de Stella et de son fidèle Harry. Dans cet appartement d'hôtel, une si grande et si profonde douleur venait, comme une trombe, d'éclater dans un ciel bleu. Selon son habitude, Paulin Broquet fit le tour de la pièce, de l'appartement. Il regarda s'il ne trouvait pas dans les autres pièces quelque chose, avant de revenir à ce qu'il était sûr de tenir en l'occurrence, c'est-à-dire la housse du coussin qu'il voulait avoir. Il ne découvrit rien qui attira son attention. Peut-être s'y attendait-il d'ailleurs, car il ne jeta partout qu'un coup d'œil rapide. Il revint alors auprès du fauteuil. « Voilà le coussin, » dit la femme de chambre. « Bien, » répondit Paulin Broquet. Et il se pencha. Il ramassa sur le tapis une croûte de boue sèche. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il à Amélie. « C'est de la boue, » dit-elle. « En effet, j'ai remarqué que Miss Stella, qui est si coquette et si propre, si soignée, quand elle est entrée dans l'appartement, avait les souliers pleins de boue. J'ai remarqué aussi que l'officier américain avait ses chaussures également chargées de boue. » Elle ajouta, « Ce doit être un paquet de boue qui est tombé de la semelle de l'un ou de l'autre. » « En effet, » dit Paulin Broquet, qui regarda un peu plus attentivement ce petit paquet de boue. Puis, prenant dans sa poche un journal, il enveloppa précisément cette boue, et comme je lui avais vu faire tant de fois, il le glissa dans une de ses profondes poches où se cachait bien souvent le secret d'un mystère qu'il allait éclaircir. Ensuite, il prit le coussin du fauteuil et il regarda la housse encore humide. Il la sentit deux ou trois fois très longuement. Enfin, il l'enleva du coussin, la plia dans le journal et la mit également dans sa poche. « J'en ai besoin, » dit-il à la femme de chambre. « Je la renverrai dans quelques jours. »« Bien, monsieur. » Peu après, nous quittions l'hôtel. Une fois remonté en voiture, Paulin Broquet me dit « Nous n'avons plus, mon cher, qu'à aller nous coucher. » Et il ajouta « Je vais vous reconduire à votre ermitage fleuri dans votre rue Gaston de Saint-Paul, cachée sous les arbres, une des plus petites rues de Paris. La campagne en plein cœur de la capitale est si délicieusement inconnue. » Mais je refusais et j'insistais pour occuper chez Paulin Broquet le lit de la chambre d'amis qui finissait par être ma chambre à moi, tant j'y couchais souvent. « Si je ne vous gêne pas, mon cher ami, lui dis-je, j'aime autant entrer avec vous et suivre tout à fait cette affaire dans ses moindres détails. » « Vous ne me gênez pas, vous le pensez bien. Et si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous emmène. Rentrons à la maison, où je suis sûr que nous allons apprendre encore quelque chose d'intéressant. »